La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. Ça fait longtemps que je voulais faire l'entrevue, mais étant donné que ça a pardonné beaucoup, beaucoup de sport le printemps également, j'ai pas eu la chance de parler du deck hockey à Saint-Prime. C'est vraiment rendu la folie furieuse. Il y a 400 joueurs qui se sont inscrits et on prétend atteindre le 800 joueurs. Qu'est-ce qui explique tout ça? On parle avec celui qui sera un des responsables des différentes ligues. C'est Dominique Golboux. Bon après-midi, Dominique. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Dominique, c'est complètement fou. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Ben, en fait, moi, j'ai pu observer la croissance du deck à partir de Québec. Parce que moi, je suis descendu de Québec pour gérer le centre ici. Puis à Québec, moi, j'ai commencé au deck hockey de la capitale, qui est probablement le plus gros centre intérieur à Québec, à son ouverture en 2011. Donc moi, j'ai pu voir un peu le boom à cet endroit-là, mais dans les régions comme ici, prévoir un agrandissement autant ou un boom gros, ça, j'aurais eu de la misère à prévoir ça. OK. 800, mais êtes-vous prêt à faire face à tout ça? Parce que c'est bien beau tout ça, là, 400 joueurs, puis monter à 700-800 éventuellement. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à tout ça? Parce que là, ça va prendre des arbitres, ça va prendre également, bien gérer également l'horaire. Est-ce que vous êtes tout prêt à faire... Ça, au niveau de la gestion de la ligue, les horaires, ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur vraiment, parce que j'ai été habitué à gérer des centres avec des roulements beaucoup plus beaucoup plus gros que ça, même des tournois qui sont plus gros aussi. Nous, on est appuyé aussi à distance par Sport Elite Production à Québec, qui font des tournois aussi, qui nous aident un peu dans les démarches pour l'horaire, pour trouver des arbitres à ce niveau-là. Formation des arbitres, c'est un de leurs employés aussi qui nous a aidé à faire ça. Les marqueurs, c'est moi qui ai monté aussi avec monsieur qui faisait les arbitres pour les former. Okay. Au niveau des marqueurs, ben, c'est trouver des jeunes qui sont motivés, qui sont intéressés à jouer un peu. Mais l'idéal, c'est du monde qui jouent au hockey, qui jouent au deck un peu, puis qui sont capables de faire les deux, en fait. C'est jouer, puis arbitrer, puis ça leur donne la piqûre, puis c'est du monde comme ça qu'on veut continuer à avoir dans ben, l'été, ça peut être une belle job pour des jeunes aussi, là. Ben, été comme hiver, je te dis. Ouais, c'est même pas une job. C'est même pas une job qui aurait été considérée comme être bonne à mettre sur un CV il y a pas long. Okay. Je pense que ça respecte certaines qualités, tu sais, la civilité, je veux pas, le respect des heures que tu travailles, puis ça permet aux jeunes d'avoir un emploi stimulant aussi, puis qu'ils brûlent pas avec une journée de fin de semaine complète, exemple, dans un épicerie ou quelque chose. Puis le jeune, il va avoir du deck, puis il va vouloir jouer, puis il va intégrer nos rangs plus tard. OK. La surface, je pense, c'est quoi? C'est 20 000 $ qu'on a investi à Saint-Prime pour ça? Au niveau des finances, la surface, ça, c'est plus Alexandre qui le saurait. Okay. Nous, on est allé chercher deux surfaces pour les installer, justement, pour avoir deux surfaces, pour que éventuellement se préparer à une explosion s'il y a plus d'équipes de la Ligue, mais aussi, comme là, avec le nombre d'équipes qu'on a, on utilise une surface pour les parties, puis on essaie de remplir le plus possible l'autre pour faire des locations, des événements. Moi, ce que j'essaie de travailler aussi, c'est que les samedis après-midi, après le décoquer junior, faire des parties que le monde peut porter leur bâton. On fait les équipes au hasard, un 10 $ pour une fille, puis après ça, on fait juste jouer, découvrir le deck un peu, puis après ça, s'il y a des filles qui viennent, ben, des équipes de mix, ben, ça peut se former un peu sur sur le fly, puis c'est ça qui est le fun aussi. Là. OK. Là, avec 400 joueurs, généralement, je compare ça avec du hockey, là, généralement, là, les arénas sont à 105% de la location. Est-ce que c'est, tu sais, je veux dire, à Saint-Félicien, quand tu inclus le passage de vitesse? Là, pour nous, c'est pas un problème pour le moment, au nombre d'équipes qu'on a, mais ça commence à être un problème. Si on regarde toutes les centres de deck hockey au Québec, eux ont explosé vraiment, c'est un très gros problème. Dans le sens que deck hockey de la capitale, qui est probablement le centre avec le plus d'équipes, et Charny aussi, qui roule pas mal l'été, eux, c'est un cas de, il faut qu'ils remplissent leur journée de dimanche, parce que de semaine, on peut pas faire jouer tant d'équipes que ça. Donc, le dimanche, et même des fois le samedi, est obligatoire un peu si on veut avoir un horaire qui se respecte pour les équipes. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça que le deck hockey, boum, terrible de même, tu sais? Je te dirais que, comme tu dis aussi, les arénas sont bloquées, les ligues de garage, tu vas te trouver à jouer des heures vraiment tard, des fois un peu plus loin. Si je prends l'exemple de mes amis qui jouent dans une ligue de garage à Québec, une partie de la semaine à 11h à Bois-Châtel, t'arrives chez vous, t'es pas endormi de suite, là. Okay, c'est ça l'affaire aussi. Je pense prix de l'équipement qui est moindre aussi. Okay. Moins que tu peux t'équiper au complet, à part pour le gardien, si c'est un autre cas. Je pense aussi, tu sais, les parties sont moins longues, je veux pas, ça prend moins de temps en plage horaire. Mais, c'est quoi, une heure, à peu près, c'est une heure, quoi? C'est, nous, c'est trois fois, en fait, le classique, un deck, c'est trois fois 10 minutes chrono. Okay. Un tournoi, c'est différent, ça va être une formule 2 fois 12 minutes running time pour avoir plus de parties, donc chronométré, dans le fond. Mais standard, c'est 3 fois 12 minutes chrono. Donc, nous, on fait ça, mais les parties sont utilisées sur des périodes d'une heure, alors que sur la hockey sur glace, ça va être plus des périodes de 1h30. Okay. C'est vraiment génial. Technologie vraiment incroyable. Moi qui me renversé, c'est qu'on va avoir ça en direct les pointages. Donc les gens, exactement. un peu comme publication sport pour le hockey, et même pas publication sport le fait même pas. Il y a différents logiciels qui existent que dès qu'il y a un but, on le sait en direct. Donc les gens vont pouvoir. Ouais. Nous, dans notre cas, le logiciel, il dépend un peu. Dans le fond, quand le marqueur rentre un but, il va rentrer directement sur le site. Ça passe par la job du marqueur. Mais oui, c'est quelque chose qui est assez immédiat, je te dirais. C'est en direct, selon la vitesse du marqueur. Mais nous, notre objectif, c'est ça, c'est qu'on soit capable de suivre la partie, au moins savoir quelle période on est. Un gars qui manque son équipe, mais qui veut se mettre au courant du score, c'est le fun pour ça. C'est-tu vraiment apprécié? Honnêtement, c'est-tu vraiment apprécié? Je suis pas sûr, moi, que, regarde, les gens vont aller là, tu sais, c'est bien correct, c'est bien open de l'avoir, puis je trouve ça tout bien. Les statistiques? Ouais, c'est ça. Pas les statistiques, là, en direct, puis de. Tu sais, je suis pas sûr que la personne est à Québec va être branchée sur la Ligue de Saint-Prime. Ah ouais? Vous seriez vraiment surpris. Moi, j'avais des appels pendant les tournois. Pourquoi les scores sont pas écrits en direct? Des équipes qui ont perdu, qui voulaient savoir l'éventualité du gagnant. J'ai fait des corrections de stats au deck hockey de la capitale, puis des messages pour leurs statistiques. Dans le fond, c'est du monde, tu leur offres les statistiques, ils veulent que ce soit bien fait. Même chose pour les tirs au but, les gardiens, c'est un peu leur dada. Ils veulent que ce soit bien compté, puis je considère ça comme normal, parce que c'est plate un peu, parce qu'au deck hockey, moyenne de but alloué pour le gardien, c'est strictement une statistique qui est relative à l'équipe. Parce que le pourcentage d'efficacité, ça, c'est quelque chose que si le marqueur n'a pas les tirs, ça peut être frustrant aussi. Mais oui, c'est une belle option qu'on a, et même gestion chère, que si on voudrait, offre plus d'options, à savoir les lancers au but par personne, les mises au jeu. Mais ça, on est dans un autre monde. Ça, il faudrait avoir un statisticien sur place tout le temps. Mais ça, c'est un service qu'il faudrait que les équipes payent plus cher pour ça. On n'est pas rendu là, puis je pense pas qu'on va être rendu là. Je pense que l'outil qu'on a avec les statistiques, c'est juste le milieu. OK. Dis-moi là, si on parlait maintenant du côté des joueurs encore, je reviens là-dessus, on prétend 800 joueurs. Là, les promoteurs ont investi beaucoup d'argent à Saint-Prime. Ben, c'est quand même une bonne somme, là. J'imagine que c'est peut-être pas à toi la question, je vais te la poser pareil que je devrais poser. J'imagine que les autres municipalités vont voir ça, puis ils vont dire on en veut aussi, parce que ça doit venir de partout, là. Ce n'est pas une de Saint-Prime, de Robertval. J'imagine qu'il y a des joueurs de Tolbeau qui sont inscrits, étant donné que c'est la première surface en haut du lac Saint-Jean. Donc, j'imagine que à court moyen terme, ça va se tasser un peu, là. Ben, en fait, tu sais, on a le privilège, je pense, d'être la première aussi. Puis okay. L'objectif, ça va être de créer des événements aussi. Parce que souvent, un centre de deck, tu t'offres un bon service aux équipes, beaucoup d'équipes, beaucoup de compétitions. C'est bien fun, mais ce qui fait rester les clients, c'est l'incapacité des fois à créer des événements comme justement le décor chimique. Je pense que c'est quelque chose qui a relancé aussi un peu le ben, comme je prends l'exemple des Hockey Charny qui font souvent des tournois mixtes d'une journée. Okay. Exemple, la journée du Super Bowl, tournoi mixte pendant la journée. Après, okay. On reste pour le Super Bowl, des petits jeux, des gageurs. Tu sais, c'est des événements comme ça qui vont permettre de créer un sentiment d'appartenance avec les joueurs puis de les garder aussi. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est sûr, il y en a beaucoup de ligues qui marchent un peu sur les pieds. Mais je prends l'exemple de Québec. Moi, j'ai pour avoir travaillé, pour avoir joué aux deux places, d'expliquer de la capitale, d'expliquer les vies à Charny. C'est deux places complètement différentes, mais on a du fun dans son genre un peu. Chauveau pour les installations, Charny pour la petite gang, terrasse avec la terrasse. Okay, ouais, c'est quelque chose de différent aussi. Tu sais, c'est des ambiances que c'est venu créer. Moi, je pense qu'avec le site qu'on a, on a une belle opportunité parce qu'on a le terrain de soccer en arrière. Puis, si on pas occupé, les équipes peuvent se lancer privy avant partout ou quelque chose. On a une belle terrasse aussi qui va être disponible. On a un beau site pour profiter de la OK. Parlons-en maintenant des événements. Il y a un gros tournoi qui s'en vient à Saint-Prime à la fin du mois de juillet. Oui, dernière fin de semaine de juillet, 27, 28, 29, je crois. Moi, je m'en avais fait parler pour venir travailler. Là, depuis que j'ai accepté le poste à temps plein, c'est sûr que je vais être là aussi. Okay. Tournoi probablement deux surfaces pour accueillir le plus d'équipes possible. Alexandre avait parlé de la possibilité d'une troisième surface pour accueillir plus d'équipes un peu. Moi, mon objectif personnel, c'est d'essayer là-dedans qu'on soit capable, apte pour ce tournoi-là et pour la deuxième demi-saison qu'on va faire, à intégrer le mix, parce que ça, c'est une catégorie qui est en progression plus grande. Le mix du junior, ça passe par là aussi, parce que le mix, c'est souvent des gars qui jouent dans un calibre, qui veulent jouer dans une deuxième équipe, ça leur tente pas de jouer trop compétitif. De plus en plus, la deuxième équipe, c'est souvent une équipe de mix. Même chose pour les filles qui, à place de jouer dans deux équipes de deux classes, qui se chevauchent, ben, qui vont aller jouer dans le mix à la place. OK. Hey, parle-moi maintenant du décor. Okay. T'as l'air d'être vraiment un mordu, tu sens vraiment connaître ça. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est une mode éphémère ou encore c'est là, le sport est là pour rester? Moi, je pense pas que c'est une mode éphémère vu à cause justement que moi, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'ai joué au hockey sur glace quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, il y avait du hockey en gymnase, mais c'était comme hockey comme tel organisé pour le monde de mon âge. J'en avais pas tant que ça. Moi, quand j'ai commencé à jouer au décor de la capitale, j'ai lu une annonce dans le journal recherche gardien. Je me suis dit, ben, en étant gardien, je vais trouver une équipe. Ça a marché, mais moi, j'avais aucune idée qu'il y avait des ligues comme ça à Québec. Fait que ça, c'est sûr qu'au début, il y avait un manque d'exposition un peu parce que c'était pas assez développé. Mais moi, j'ai joué après le hockey mineur, j'ai joué une année au hockey dans des ligues de garage à Québec avec mes amis. Mm. Puis j'ai pas aimé mon expérience. Puis j'ai essayé le décorquer, puis je suis jamais revenu au contraire. Je dis pas, tu sais, la plupart du monde font encore les deux. Je dis pas que le monde de hockey sur glace vont aller vraiment lâcher complètement le hockey sur glace pour aller au décorquer. Mais il y en a un peu qui le font. Moi, ce que j'ai vu aussi, que j'ai pu observer, les juniors, pas mal de jeunes qui jouent au soccer aussi, qui étaient amenés de se promener, qui ont la possibilité aux jeunes de faire du sport tout en travaillant, parce que, tu sais, ils veulent pas, c'est pas du papin, il faut qu'ils courent les jeunes un peu. Ouais. Ça, on en voyait plus souvent de plus en plus des jeunes de soccer qui viennent vers le décorqué. Okay. C'est le fun aussi, puis c'est notre relève aussi, je veux pas, là. Ben, bravo, félicitations, c'est pas mal le fun, en tout cas, je peux-tu te dire que c'est pas mal intéressant je dois te féliciter en passant parce que tu sembles une personne qui t'a parlé beaucoup de Québec. Est-ce que tu es natif de la région? Non, dans le fond, moi, c'est ça. Là, je suis natif de Québec. Comme je te dis, j'ai commencé à travailler de fil en aiguille au décor de la capitale au début comme marqueur. Je suis rentré là, j'ai joué. Là, j'étais marqueur, je me suis intéressé un peu, commencé à travailler au pro-shop. Après ça, j'ai fait des tournois. J'ai fait la gérance au Décaqué Lévis aussi. J'ai fait pas mal de tours à Québec. Puis là, dans le fond, nous, avec Sport Elite Production, moi, je fais affaire avec eux pour les tournois et tout ça. Ils nous avaient offert, dans le fond, de gérer la Ligue à distance. Mais moi, je me suis dit, je pense que c'est une belle opportunité aussi, si moi, j'y vais direct, de leur faire découvrir aussi qu'est-ce que moi j'apporte, qu'est-ce que moi j'ai vu à Québec aussi. Puis c'est ça que j'ai ressenti hier soir. C'était ma première soirée que j'étais sur place. On parlait aux clients un peu, puis on voyait qu'ils étaient excités quand même. Puis tu sais, pas tout est parfait pour le moment. Moi, je le vois, je sais c'est quoi une ligue érodée. Puis pour le moment, c'est sûr qu'on est en, des fois, on est en mode rattrapage un peu. Mais je pense que les joueurs, ils aiment l'effort qu'on met aussi. Puis eux, ils découvrent un sport, puis on voit que l'engouement est vraiment là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment valorisant pour moi, parce que faire le mouvement, moi, ça me dérangeait pas trop. Je pensais que c'était un bon défi, mais je suis vraiment encouragé par la tournée des événements à ce niveau-là. OK. Ben, félicitations. Il y aura une chronique à toutes les semaines, d'ailleurs, si tu veux bien, Dominique, pour un round-up de ce qui se passe. On va te donner les ondes une fois pour nous expliquer les ligues, tout ce qui se passe à Saint-Prime, au Décaqué. Okay. Avant l'entrevue, tu m'envoies sur quoi qu'on veut parler, puis on va se préparer ça, puis on va pouvoir faire ça. OK. Ben merci beaucoup, Dominique Golbeau, puis ben, félicitations, puis bravo un gars de Québec qui s'en vient ici à Saint-Prime. Et puis ça, c'est les autres, c'est l'inverse, fait que pas mal le fun d'avoir un jeune qui s'implante ici. Ben merci beaucoup, hein. Ouais. Bonjour, ben merci beaucoup. Donc, Dominique Golbeau, qui est le responsable du Décaqué à Saint-Prime.